je repense à tous ces jours. J'ai essayé de te faire. Ok. Ça fait quoi ? Thank you. Ah bah lance le riff plutôt alors. Je dois m'en aller. Les refrains, pas top. Bien là. 1, 2, 3, 4. Bien, attends. J'arrive pas à voir mon texte. Cheers.